faut dégainer le mic MC, t'es dans la merde. Un voyou, arrête de jouer le voyou. C'est Kennedy, tu neuf de tout. À ce qui paraît au max, tu ouais. Sauf pour la grosse tête, toujours en fumette avec cause de tout. De rapper mort, c'est vrai, ça l'est. Quand je rappe, on dit que je suis là, alors sans pas ta cachette. Je viens des Comores et je représente jusqu'au Mali. Je puis pas le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. De rapper là comme une partie d'échec, alors ça sert à rien que je t'écoute et qu'après je te check. Mon beat fait mal que si je baisais ta femme. J'ai pas d'armes, j'en ai pas besoin, je fais couler des larmes. Interdit sur nous test. Ceux qui coûtent ton son sont des putes, ils donnent tous leurs fesses. Arrêtez de donner votre fesse, car nous. On vient pour dégainer le mic, même si t'es dans la merde. 9-2, chez nous le crime, mais y'a des criminels. T'es seul, tu crois, t'es trop fort, mais t'es trop pourri. Notre folie lui 15 et 2 que j'ai jusqu'à Paris. On vient pour dégainer le mic, même si t'es dans la merde. 9-2, chez nous le crime, mais y'a des criminels. T'es seul, tu crois, t'es trop fort, mais t'es trop pourri. Notre folie lui 15 et 2 que j'ai jusqu'à Paris. Des paroles violentes sur un centre de violon, j'ai une ville et mon secteur. En microphone, j'fais mouiller tous les inspecteurs. J'ai une ville et j'y réside depuis le berceau. En micro, je posais quelques mesures perso. L'instru s'enchaîne au fur et à mesure. Et moi je rappe au fur et à mesure. Quand t'écoutes notre son, t'as du mal à t'en remettre. D'emblée que dans le rap, c'est nous les maîtres. On rappe jusqu'à ne plus avoir de sous. De faire en sorte à ce que vos oreilles sifflent. On a du savon de Belgique et des podcasts pour peser l'hexagone. Laisse-tu t'emprunter le mic pendant 64 mesures. Qu'on fasse une démonstration perso. On marche droit avec un numéro 92 au verso. Avec mes trois acolytes, toujours là pour Pera. Sans coup de pute, comme un coup de schlasse dans le dos. Avec mes trois acolytes, toujours là pour Pera. Sans coup de pute, comme un coup de schlasse dans le dos. On vient pour dégainer le mic. Si t'es dans la merde. 9-2, chez nous le crime, mais y'a des criminels. T'es seul, tu crois que t'es trop fort, mais t'es trop pourri. Notre folie 15 et 2 que j'ai jusqu'à Paris. On vient pour dégainer le mic, même si t'es dans la merde. 9-2, chez nous le crime, mais y'a des criminels. T'es seul, tu crois que t'es trop fort, mais t'es trop pourri. Notre folie 15 et 2 que j'ai jusqu'à Paris. Ok, à mon tour, je donne un coup de presse. Mon flow, un coup de presse. Cousin, c'est chual, c'est pour donner un coup de pouce. C'est sur un coup de tête que le mic se retrouve dans ma paume. Moi, c'est Kai, ok. AKA Zaza pour les intimes. Donc le message passe, le grippé dans mes hautes scènes. On met du cœur à l'ouvrage, même si la vie n'est pas un film. La nôtre reste un putain de court métrage. Au compteur de la violence, on a déjà fait sauter le kilométrage. 92 au kilogramme, t'avais averti, mais t'as pas voulu écouter, man. Sur le but, c'est parc avec ma clique. Pas besoin de te présenter le saut. Scarface, la relève. Tout le reste du 92 saut. Putain, pourquoi tant de violence? Ils disent, je leur réponds que tu aurais de sourire devant un peu beau. Douleur de leur putain de perquise. J'aime la violence parce que seule elle me connaît. Parce que c'est seul avec elle que j'aime déconner. Ok, je suis pas de ceux qui s'attardent trop. Je veux juste m'assurer que tu sais qui c'est. Ça y sert, j'ai d'un pour dégainer le mic. Si t'es dans la merde. 9-2, chez nous le crime, mais y'a des criminels. T'es seul, tu crois que t'es trop fort, mais t'es trop pourri. Notre folie 15 et 2 que j'ai jusqu'à Paris. On vient pour dégainer le mic. Si t'es dans la merde. 9-2, chez nous le crime, mais y'a des criminels. T'es seul, tu crois que t'es trop fort, mais t'es trop pourri. Notre folie 15 et 2 que j'ai jusqu'à Paris. Paris, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9-2,